Impair. Impair. Witr. Le mot witr en arabe signifie nombre impair et généralement il est utilisé en référence à la prière du witr, qui est l'accomplissement d'une unité de prière après les prières facultatives accomplies durant la nuit afin de conclure par un nombre impair. En effet, le witr est une pratique régulière confirmée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il enjoigna avec insistance aux musulmans. Par conséquent, les musulmans ne doivent pas la négliger. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les prières facultatives de la nuit doivent être accomplies deux par deux. Et si vous craignez l'arrivée de l'aube, alors concluez par une raka'a afin d'avoir prié un nombre impair. » Rapporté par Al-Bukhari. Il est de tradition de prier deux raka'as ou plus et jusqu'à 10 en saluant entre chaque paire de raka'as, puis d'accomplir une seule unité. Le temps du witr commence après la prière du Isha et se termine juste avant l'aube. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, « Allah est un père unique et il aime l'impair. » Il a aussi dit, « Faites que le witr soit votre dernière prière de la nuit. » Rapporté par Al-Bukhari.